Lettre deuxième, Sulpicie à Calpurnie, B. Décembre 300. Tu n'aimes pas Calpurnie, tu n'aimeras jamais. Ce peu de mots renferme le sens de ta lettre et en même temps la réponse à ce que ton amitié prudente et sage me représente. Je t'assure de ma tendre reconnaissance. Ne crois pas, mon ami, que je méconnaisse la vérité de tes principes ou que je doute de ton zèle, de ton enthousiasme pour tout ce qui est beau. Tu as raison, tu me l'as prouvé d'une manière irrésistible. Mais quoique j'aie des idées opposées aux tiennes, je n'ai pas tout à fait tort pour cela. Nous voyons, chacune de nous, les circonstances de notre vie sous un point de vue différent. Nous agissons d'après nos caractères. Enfin, nous faisons l'une et l'autre, non ce que nous voulons, mais ce que nous ne pouvons nous refuser. Abandonnons, ma chère Calpurnie, la vanité d'agir d'après des principes et un système dont nous ne saurions nous glorifier, puisque c'est la nature qui nous l'inspire. Nous ne sommes rien que ce que les circonstances font de nous. Tu es doué de légèreté, de beaucoup d'esprit, d'une si heureuse proportion entre tes forces morales et physiques, que l'équilibre entre elles ne peut être que rarement troublé et facilement rétabli. En outre, le sort t'a fait naître au sein d'une famille riche, puissante. Les Pisons n'ont besoin d'aucun secours étranger. Ton père n'a que deux fils, l'orgueil, les soutiens de sa vieillesse. Et toi, l'image vivante de son épouse, il voit en toi sa chère Sempronia. Il t'aime comme son enfant et sa compagne. Jamais il ne te forcera à un mariage que ton cœur éprouve. Et quoi qu'il désire que tu lui donnes un troisième fils, il ne cherche point à te le persuader. La nature, le bonheur, ton nom créé disciple d'Épicure. Oui, tu es née écolière de ce sage, et non celle du triste Zénon. Pour moi, je suis sous l'influence d'une mauvaise étoile. Les malheurs, la chute de ma famille, les chagrins de ma mère bien-aimée qui supportera avec résignation les maux qui l'accablèrent dans son intérieur, et le despotisme avec lequel mon père gouvernait sa maison, d'après les anciens usages de Rome, furent l'école à laquelle on m'instruisit. Je croyais trouver dans les principes de Zénon la force nécessaire pour supporter mon sort. Mon orgueil tenait à l'idée de donner aux dieux le spectacle de la force avec laquelle je surmontais le malheur. Je suivis la volonté de mon père sans trop de répugnance, lorsque, sans me consulter et seulement par considération pour ses autres enfants, il promit ma main au fils d'Anicius. Serranus Anicius devint mon époux. À peine lui avais-je parlé trois fois auparavant, et toujours en présence de ma famille. Si j'étais sans attachement pour lui, j'avais au moins la volonté et le désir bien prononcé de remplir tous mes devoirs. Les femmes de l'Antiquité, douées des vertus de l'ancienne Rome, me servaient de modèle. Je cherchais à leur ressembler. Comme elles, je vivais dans mon gynécée, entouré de mes esclaves, travaillant avec elles. Je puis assurer avec vérité que pendant les trois premières années de mon mariage, nous n'étions vêtus que de l'ouvrage de mes mains, ou du moins de ce qui était fabriqué sous ma surveillance. La joie de mon père, l'estime sans borne de mon époux, furent la récompense de mes efforts. Sa vanité, la seule passion qui le dominait, se trouvait flattée par la certitude de posséder pour femme une vraie romaine, qui se distinguait éminemment de ses contemporaines. J'étais contente, mais bien éloignée d'être heureuse. C'est à cette époque que Tiridate vint dans notre maison. Laisse-moi passer sous silence l'effet que produisirent sur moi sa figure et son sort. D'ailleurs, tu le sais déjà, puisque tu étais la plupart du temps présente. Mais ce que je ne puis te taire, c'est que depuis ce moment, j'éprouvais un changement général dans tout mon être. Qu'il me soit permis de me servir d'une comparaison qui explique parfaitement mes sensations. J'éprouvais le même sentiment que lorsqu'on sort des ténèbres au moment où les portes de l'aurore s'ouvrent et remplissent de lumière, de chaleur, tout ce qui n'était que froid et obscur auparavant. En moi brûlait une flamme vive et pure. Je savais ce que je voulais, ce qui m'avait manqué depuis si longtemps et ce que j'étais pour ce monde. Cette passion m'a dessillé les yeux sur ma triste existence. Qui pourrait m'empêcher actuellement de croire aux opinions du divin Platon et d'être persuadé que j'ai rencontré la seconde moitié de moi-même. Qu'importe que Tiridate soit née sur les bords du fleuve Arax et moi à Rome. Nos âmes se sont connues, aimées avant de se rencontrer sur cette terre. Elles se sont retrouvées. La mort seule peut les séparer. dans cette persuasion intime que rien ne saurait affaiblir, j'ai livré mon âme entière aux sentiments qui la dominent. Rien ne peut m'engager à devenir ou plus circonspecte ou plus froide. Loin de moi, la dissimulation et le mystère. Tiridate ou la mort. Sans lui, pour moi ni le bonheur, ni vie, ni vertu. Que le monde dise ce qu'il voudra, que des soupçons ou la trahison fassent découvrir mon secret à Séranus, que lui et mon père prononcent sur mon sort, cela m'est indifférent. Le pêcheur de perles estime-t-il la vie lorsqu'il s'enfonce dans les abîmes de la mer? Craint-il les ondes au-dessus de lui? Peut-il les éviter s'il veut atteindre à son but? Mais enfin, que peut prétendre Séranus? Que peut-il exiger que je ne veuille à l'instant exécuter comme par le passé? Je resterai à la tête de sa maison avec une fidélité à toute épreuve. Je surveillerai ses esclaves et leurs travaux. Ses intérêts me seront également chers. Voilà tout ce qu'il exige. Ses désirs se bornent là. Jamais il ne demanda d'être aimé. Jamais je n'eus d'amour pour lui. Jamais je ne l'aurais pu. Son cœur n'éprouve aucun besoin. De quoi aurait-il à se plaindre? Je ne manque à aucun de mes devoirs envers lui. J'ai la persuasion d'agir constamment de même. Et ce qui m'assure que mon commerce avec Tiridate ne s'écartera jamais de la vertu, c'est que je l'aime parce qu'il est vertueux. De plus, ne crains pas que je puisse être capable de tromper Séranus. Le voyage de Bai ne fut point un prétexte. Lui-même m'y engagea. Sa présence ou la mienne y était absolument nécessaire. Et il ne voulait pas s'absenter pendant les fêtes. Je partis donc avec plaisir. Tiridate était retenu à Gutioli pour des affaires. Je ne me fais aucun mérite de ce voyage, et ne voudrais pas que Séranus s'y attachât à plus de prix que moi. De cette manière, tout reste entre nous dans un jour clair et simple. Mais c'en est assez sur moi. Parlons à présent un peu de toi, ma bonne amie. Nous avons encore un petit compte à régler ensemble. Est-il juste que, à titre d'ami, je confie à la plus jeune les secrets de mon cœur et qu'elle me fasse des mystères? Comment mes entrevues avec Tiridate te sont-elles connues? Où as-tu pris le pouvoir de tout savoir? Dois-je croire que, semblable à une fée de la Thessalie, rien n'échappe à ta pénétration? Ne me juge pas crédule parce que je suis franche. Veux-tu que je prononce aussi un nom magique? Agathoclès, l'ami du prince d'Arménie, le fils d'Égisippus, de Nicomédie, si bien reçu dans votre maison depuis qu'il est à Rome, je crois même qu'il loge chez vous. Son caractère est noble, son esprit original. Son cœur est enflammé d'enthousiasme pour tout ce qui est grand et vertueux. Était-il possible qu'une belle Romaine, possédant tous les avantages que la nature, l'éducation ont pu lui donner, manquât d'obtenir le suffrage d'un homme qui se pique d'être un vrai connaisseur de tout ce qui est distingué? Agathoclès est trop aimable lui-même, malgré son originalité, pour n'avoir pas su apprécier le rare météore qui se montre à lui dans tout son éclat. Il aura commencé par l'admiration, puis l'estime, puis l'amitié, puis enfin il aura éprouvé un sentiment plus vif et plus tendre. Ne rougis pas, Calpurnie, Agathoclès est digne de toi. De retour à Rome, je te raconterai bien des choses de lui que j'ai apprises de Tiridate, mais qui ne peuvent être le sujet d'une lettre. Adieu, ma chère Calpurnie. Ne me boude pas de ce que je ne puis devenir plus sage, plus prudente. Je serai bientôt à Rome. Mes occupations ici touchent à leur fin. J'ai trouvé notre villa dans un grand délabrement, suite inévitable de l'absence continuelle du maître qui laisse tout au soin de ses domestiques. Au reste, j'ai pris des arrangements qui plairont à Séranus, je l'espère, pour prévenir de nouveaux désordres. Dès que tout sera en règle, je volerai dans tes bras. Adieu.